n'est-ce pas, nous irons aisément dans la voie modeste que nous montre en souriant l'espoir, peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voit. Isolé dans la mort, je sais qu'en un bois noir, que nous destine le sort, nous marcherons pourtant du même pas, et la main dans la main, avec l'âme enfantine de ceux qui se